On était le groupe 2, on n'a pas parlé très longtemps des manifestations. Il y avait cette idée de, est-ce qu'on part en manifestation ensemble? Est-ce que c'est ça le club? Pour faire un peu la transition avec tout à l'heure. Et comme il y avait un peu cette idée de qu'est-ce que ça nous évoquait le club, on s'est dit, ah bah tiens, club de sport. C'est vrai que les manifestations, c'est un peu sportif. On s'est dit que comme espace d'auto-formation, le club, ça pourrait être aussi l'auto-formation à courir peut-être, mais à se penser, enfin, et en tout cas à penser notre engagement dans les gilets jaunes ou dans les manifs ou dans le de s'engager aussi avec notre corps, que ce soit notre corps à chacune. Bon, il se trouve que nous dans le groupe, on n'était que des meufs. Donc notre corps à chacune, et aussi de s'imaginer en manif comme un corps collectif où on est plein de corps ensemble, que notre corps il est en jeu de manière assez violente aussi parce qu'on prend beaucoup de répression, que ce soit, enfin, sans que ce soit nécessairement des tirs de flashball directement dans la tronche, juste les lacrymogènes en fait d'étouffer en permanence tous les samedis, c'est quelque chose qui peut être marquant et choquant. Et donc ça a été évoqué l'idée que bah voilà, on allait quand même en manif en ayant peur. Et voilà, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour se sentir, pour construire des solidarités entre nous, pour se sentir plus forte ensemble, parce que cette peur, ça ne veut pas dire qu'on l'évacue, mais d'échanger des outils ensemble, bah ça peut nous permettre de... Voilà, de faire attention les uns les unes aux autres. Et ça, on a posé un peu la question de, un peu sur la question de la répression, du traitement, du maintien de l'ordre, enfin, vraiment très rapidement, sur le fait... Enfin, ça nous a fait penser cette histoire du général là, qui avait servi pour réprimer dans les colonies en Algérie, et qu'on avait un peu le sentiment que ce truc de faire monter la sauce qui peut exister en ce moment... Et justement, ce qui est reproché aux forces de l'ordre de pas du tout faire une politique de désescalade, au contraire. Et on se disait bah, que ça nous faisait un peu penser à ce truc historique de on fait monter, on attend que les barricades elles grossissent pour réprimer à coups de canon. Donc là, c'est pas exactement des coups de canon, mais c'est du canon à eau, c'est des flashballs, c'est des grenades de désencerclement. Voilà, donc on disait un peu qu'il y avait ce truc de... politique de désescalade qui n'était pas du tout pratiquée dans les manifs. En fait, les techniques de répression qui avaient été utilisées dans les colonies en fait, étaient utilisées aussi après sur le maintien de l'ordre à l'intérieur. Quoi. Enfin, c'est-à-dire que ce qui est utilisé, enfin, que c'était le cas avec le général là, et que c'est effectivement le cas aussi avec les armes utilisées actuellement qui ont été utilisées avant pour le maintien de l'ordre, entre autres dans les colonies. Bon, nous, on avait quelques idées simples, peut-être parce qu'on était juste un peu plutôt âgés et moins sportifs. Et on a remarqué qu'à la différence de 48, il y avait tout un paquet de manifestations qui étaient énormément décentralisées, qui avaient structuré le mouvement. Manifestations et rassemblements sur les ronds-points. Et quelque part, Paris avait été un peu la cerise sur les gâteaux, qui avait répondu à Macron quand il avait dit « Bon, c'est moi le responsable, venez me chercher. » Et les gens avaient dit « Bah, d'accord, on vient te chercher. » Deuxième chose, jusque-là, le mouvement n'a presque pas été violent du tout, malgré tout ce que les médias nous racontent en faisant passer en boucle une bagnole qui a été brûlée ou... une barricade faite de poubelles à qui on a donné du feu. C'est pas de la violence, c'est vraiment symbolique. En revanche, les médias ne disent rien sur les violences policières qui, elles, sont bien réelles. Il y a des centaines de mutilés, des centaines de blessés, des centaines de gens arrêtés, y compris des milliers maintenant. On a dépassé les 5000, je crois. Donc, ça, c'est le deuxième aspect de la question. Et le fait que l'unité du mouvement s'est faite dans la rue, au-delà des différences sur lesquelles, d'ailleurs, les médias avaient tout de suite pointé les doigts, c'est des gens de droite, c'est des gens qui font des quenelles. On avait mis en exergue toujours la chose qui pouvait permettre de stigmatiser l'ensemble du mouvement à partir d'un petit fait dans un coin particulier. Et en revanche, ces différences ont été totalement résorbées par la dynamique du mouvement qui était en bonne partie structurée par les manifestations et donc dans la rue, mais aussi, ce que tu disais tout à l'heure, ce que Dominique disait tout à l'heure, par les besoins essentiels. Au-delà du fait que un type soit plus ou moins de droite et un autre soit plus ou moins de gauche, il y a des besoins essentiels. Bon, ce sont ces besoins essentiels qui ont été mis en avant et qui ont fait l'unité du mouvement, y compris dans la rue. Et on n'oublie pas aussi que ce qui a été aussi très intéressant, c'est que, en fait, les gens, ce qu'on appelle les beaufs, en fin de compte, ben, ils n'ont pas passé leur samedi dans les centres commerciaux. Ils ont passé leur samedi à bloquer les centres commerciaux. Et ce qu'on a eu pendant un certain temps, beaucoup dans nos slogans et beaucoup de difficultés à faire, c'est-à-dire bloquer l'économie d'une certaine façon, ça a eu lieu quand même. Ça a eu lieu. Pas énormément, mais ça a quand même eu lieu. Il y a eu des blocages dans les raffineries de pétrole. Il y a eu des occupations. Il y a eu des blocages dans les centres commerciaux. Donc là, bon, là c'est moi qui le dis. Hein, c'est pas ce qu'on s'est dit. Moi, je pense que la question aussi de la reprise individuelle, c'est-à-dire d'aller dans les centres commerciaux pour faire des grandes bouffes après, ça serait peut-être aussi le moment de commencer à imaginer de faire ce genre de dérive. Bon, enfin voilà, ça je voilà. Juste nous, enfin, par rapport à la première partie entre le tissage des clubs et les manifestations, on voulait vraiment arriver à pouvoir tisser les deux, parce que la puissance du mouvement, elle repose vraiment sur les manifestations qu'il y a eu tous les samedis, et on l'a vu dans plein de mouvements récents, une forme d'essoufflement, à vouloir se constituer trop vite en auto-institution. Que ce soit Nuit Debout ou d'autres choses, où la palabre prend trop de place, et comment on fait pour monter en puissance, en fait, et à la fois en commençant à poser des bases, comme on le fait ici, d'une possible auto-institution. Mais c'est vraiment une forme d'équilibre fragile à trouver, et si on bascule de l'un ou de l'autre trop fort, et ben j'ai l'impression que le mouvement capotera, de toute façon, puisqu'on perdra dans l'affrontement où on s'essoufflera dans des discussions sans fin. Alors, la violence. Alors, on n'avait pas gardé la violence et les armes. On est resté plutôt sur la violence. Donc, le fait, en effet, que l'aggravation de la violence était là. Il y avait deux idées parmi les personnes autour de la table. C'était l'une, c'était que la violence elle-même peut-être. Enfin, la question, c'était est-ce qu'elle peut être désamorcée par le fait de la dire et de la montrer ? Est-ce que ce serait une possibilité ? Est-ce qu'il y aurait une possibilité de continuer ce mouvement dans une forme de pacifisme ? Voilà, merci. Et puis l'autre partie, c'était plutôt une sorte de grande peur d'un coup d'État par l'État, comme si justement il y avait une possibilité là déjà enclenchée que la violence était manipulée et en effet, comme vous disiez tout à l'heure, organisée pour pouvoir frapper fort à un moment ou un autre. Aussi, l'idée que la violence, la façon de parler de la violence, c'était assez une forme d'habitude, en fait. On la voyait quasiment plus. Alors, bon, là, tout à l'heure, quelqu'un disait qu'il n'y avait pas vraiment de violence. Ça, je ne sais pas trop quoi en dire. Moi, j'en vois de toute façon partout, donc en dehors même du gilet. Donc, je vais passer la parole pour l'idée d'une violence plus générale. Voilà. Et on disait dans les groupes aussi que à la différence des 48, 48 en particulier est le fruit d'une révolution, on ne vit pas cette situation, et la monarchie présidentielle n'est pas tombée. Et donc Et les questions de représentation, bon, ce n'est pas le sujet, mais sont liées à cette dynamique. On vit dans une autre phase, le contexte est différent, et les rythmes de représentation les construisent les pouvoirs. Donc, et par rapport à la violence, il ne s'agit pas simplement, à l'époque, hein, de la violence du pouvoir, mais aussi de la violence de la société en armes. Et il y avait une grande partie de la population à Paris, en tout cas, qui était armée. Ce n'est pas la situation actuelle. L'armée actuelle est une armée professionnelle et de plus en plus les corps armés sont en marge et en contre de la société actuellement. Donc ça, c'est une question importante à retenir. Et les généraux, il ne s'agit pas d'un général. Comme disait la référence d'un bouquin, L'ennemi intérieur, et c'était tout un corps... des généraux qui ont participé à la guerre de conquête de l'Algérie et qui ont dirigé la répression à Paris. Donc il ne s'agit pas d'un seul général. C'est la répression en juin, je veux dire. Hein. Et donc par rapport à à la répression qui vient du pouvoir, actuellement, la possibilité d'une violence comme l'insurrection ouvrière de juin, actuellement n'existe pas encore cette possibilité, car, ou elle n'existe pas du tout, car la société est désarmée. Et donc il faudrait prendre en compte ces questions. La violence n'est pas simplement la violence du pouvoir, mais aussi il peut être la violence de la société. En tout cas, 48 le montre ça, malgré l'échec. J'ai pas grand chose à rajouter sur tout ce qui a été dit sur ça, mais c'est vrai que la comparaison entre 48 et maintenant, elle fait apparaître alors un changement conjoncturel qui est que on n'est pas dans une situation post-révolutionnaire et que donc l'usage de la rue dans la suite de février 48 est complètement différent parce que en 48 les gens sont en armes, les gens non seulement ils sont en armes, mais ils viennent de renverser un pouvoir. Et donc, évidemment, lorsqu'ils se retrouvent pour manifester, ça n'a pas le même poids et le pouvoir ne peut pas le traiter de la même manière. Mais à côté de ce facteur conjoncturel, il y a quelque chose de plus structurel qui est le travail de 150 ans de désarmement de la population, de disparition de la légitimité de la culture combattante, hein, qui faisait partie de l'expérience citoyenne masculine pendant tout le premier 19e siècle, et le fait que la conjoncture entre le fait que les citoyens aient été désarmés et que l'État ait été surarmé, c'est sûr que ça crée une circonstance qui fait que, on le voit bien, les formes insurrectionnelles ou émeutières qui sont prises aujourd'hui sont considérablement non violentes et considérablement portées sur la question symbolique. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas d'effet et qu'elles ne peuvent pas avoir d'effet révolutionnaire. Parce qu'une autre expérience des révolutions, c'est que même une société désarmée, lorsque se fait le basculement dans l'idée que quelque chose de différent est en train de s'ouvrir, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, je veux dire, la répression étatique, elle n'est pas nécessairement simple. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit saisir, et c'est une sorte de saisie vertigineuse, de à quel point... le déséquilibre des forces entre l'État et la société qu'il contrôle est incomparablement plus grand que celui qu'il était il y a 170 ans, en 1848. Voilà. C'est fini. Merci beaucoup. Merci.